France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah, ah, nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 130. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volure sonore orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 28 septembre 2008, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es un militaire français en Afghanistan où il faut sauver le soldat Ryan, tu es Pierre Moscovici en rébellion, ou rapatrié sur l'Arche de la Noé, tu es Jean-Pierre Raffarin en campagne ou Benny Hill en goguette, tu es le retour de Lance Armstrong ou Razzia sur la schnouf, et tu es aussi un industriel agroalimentaire chinois ou... Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Alors désormais, tu connais les inflexibles principes de notre Sainte Trinité. Ainsi, communions ensemble au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Mangin Palace te propose dorénavant, durant 53 minutes, d'organiser ici un beau barnum burlesque autour des actualités du monde extérieur. Notre sacerdoce consiste à travestir la réalité afin de t'offrir autant que possible un diaporama sonore modeste mais déjanté contre le triomphe de la morosité. Et voici la petite liturgie de notre joyeuse cérémonie. Pour commencer du Che Guevara new-yorkais à la positive attitude arnaquée, nous te proposerons une relecture frappadingue des actualités politiques de la semaine. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons comment les fantômes de l'INA se sont passionnés cette semaine pour la Pologne à l'heure où le général Jaruzelski est jugé pour crime communiste à Varsovie. Et puis, nous te dévoilerons comment Monique et Jean-Claude ont squatté l'hypermarché de Gros-Boules-les-Bains avec la ferme volonté, mercredi dernier, de traquer les petites escroqueries qui servent à camoufler la hausse des prix. Et juste après, nous poursuivrons avec notre petit reportage fric et frime où s'enchevêtrent ce matin vices et vertus. Et enfin, peu avant midi, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et décolle d'entre les murs. Yeah. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my face. You got G-Lack MC, who likes it on a easy V, who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy. Wannabe, ce fut le triomphe des Spice Girls en juillet 1996 et, comme dirait David Beckham, Wannabe, j'en suis baba. Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors, installe-toi confortablement et amorçons les péripéties de ce 130e épisode du Mangin Palace par notre petite séance freudienne. Le fieffé sacripant de nos coursives, Monsieur Yvan Beaujolais, bien sûr, poursuit inlassablement sa quête de l'inconscient niché dans le discours politico-médiatique. Vois-tu, il y a le dit et le non-dit. Ainsi découvrons, entre autres, l'avènement d'une star du rock à New York et les cafouillages du successeur empêtré de l'abbé Pierre. Allez, en route maestro, voici pour toi l'infratexte des discours de ces derniers jours, ainsi soit-il. Nicolas Sarkozy. Il part pour New York cette semaine, il veut être chanteur d'heavy metal. Sans blague. Je te jure. Au siège des Nations Unies, le discours de Nicolas Sarkozy, on y revient, a été essentiellement tourné vers la crise financière. Le chef de l'État a aussi réclamé des sanctions contre les responsables du désastre. Ah, on me dit, on ne sait pas qui est responsable. Ah bon ? Enfin, permettez-moi de vous dire que quand ça allait bien, on savait qui touchait les bonus. Moi, Carla, je n'ai jamais été de gauche, mais j'aime la justice. Et ce n'est pas juste que ceux qui nous ont conduits où ils nous ont conduits n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs. Oh mon Dieu, c'est intense. Je sais, j'ai ajouté de la coke. Alors ça t'assomme et ça te maintient en même temps. Pow. Question à Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. On parle aujourd'hui du RSA. Vous n'allez pas me raconter l'histoire habituelle, hein ? On est en train de dire qu'à petite capital, toute petite contribution, et à grand capital, grosse contribution. Sauf qu'il y a le bouclier fiscal. J'ai compris, l'histoire habituelle. Parmi les 200 000 personnes qui ont le bouclier fiscal, il y en a les deux tiers qui, effectivement, ont des revenus faibles. Oh, il est brave, ne faites pas trop attention à lui. Puis il y en a quelques-uns qui sont plus importants. Et pour cela, on met fin à une des choses les plus iniques, qui sont les niches fiscales. Eh hey, bon, merci. Merci pour l'information. Salut. Et puis Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, était il y a quelques instants encore l'invitée de Nicolas Demorand. Elle prévient, étant donné la situation économique de la France, pas touche aux entreprises. La crise financière, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un 11 septembre de la finance. Cette crise financière peut provoquer une crise économique très dangereuse. Je dirais, comme on le dit en médecine, d'abord ne pas nuire. Et d'abord ne pas nuire aux entreprises, car elles seules peuvent créer les richesses. Si on prend pour cible nos grands patrons, notamment ceux du CAC 40, ça équivaut également à se tirer une balle dans le pied. Si tu continues à me prendre pour un cave, là je vais vraiment faire le méchant. Et après son succès au municipal, la gauche en enregistre un autre avec les élections sénatoriales. Pour autant, le Sénat reste à droite, comme toujours, c'est une sorte de chasse gardée, mais pour la gauche, le résultat d'hier, c'est toujours bon à prendre. Et à cela, Patrick Devedjian. Laisse-le parler, il est plus drôle que toi. Le secrétaire général de l'UMP répond ceci. Nous savions bien que la gauche aurait davantage de sièges que nous. Mais encore une élection ou deux comme ça, et puis le Sénat aura une majorité de gauche. Et nous, d'ailleurs, quand le Sénat sera à gauche et que nous voudrons reprendre la majorité, eh ben ce sera long pour nous aussi. C'est le numéro un. Ah, ça, tu peux le dire. C'est vraiment énorme. Quand le Sénat sera à gauche. Ouais, en gros, quand les poules auront des dents. Car malgré la victoire de la gauche aux élections sénatoriales de dimanche dernier, la haute chambre est ainsi faite que sa présidence n'échappera pas à l'UMP dès mercredi prochain. Oui, Les méandres et les rôles du Sénat sont complexes et parfois obsolètes. D'ailleurs, en son temps, même le grand Charles avait un point de vue très tranché sur le Sénat. Actuellement, le rôle que joue le Sénat est absolument accessoire. D'abord, quoi qu'il puisse vouloir, c'est l'Assemblée nationale qui décide, en fin de compte. Il n'a bien sûr pas le pouvoir de censurer le gouvernement. Et puis surtout, les projets en pratique ne lui sont soumis que quand les députés se sont déjà prononcés. Alors il arrive sans armes après la bataille. Seulement voilà, le Sénat est une vieille dame à cariâtre et coriace, et vouloir le réformer peut coûter cher, très cher, puisque De Gaulle lui-même avait bien essayé de le bousculer par référendum en 1969, mais au final, il avait dû jeter l'éponge et avait carrément décidé de quitter l'Élysée. Ainsi, être élu sénateur n'est pas anodin. Mieux encore, en devenir le président attise les ambitions les plus féroces. C'est pourquoi, dès dimanche soir, Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin s'affrontaient en coulisses pour devenir le candidat officiel de l'UMP, donc le gagnant, à la présidence du Sénat. Et, très sûr de lui, dans les couloirs de la Haute Assemblée, devant la presse et ses petits camarades, Jean-Pierre Raffarin considérait qu'il était en gros le client idéal. J'ai une vision très gaulliste des institutions. J'ai travaillé avec Jacques Chirac et je suis de plus en plus gaulliste sur la pratique des institutions, mais aussi sur la politique étrangère. Je suis juste un rigolo, rigolo. J'en fais des kilos, rigolo. Pour être rigolo. Fidèle à moi-même. Rigolo. Rigolo. Rigolo. Je reste libéral pour le développement des entreprises. Un mauvais jeu de mots, c'est peut-être idiot, mais moi j'aime. Puis j'ai une culture un peu chrétienne sociale, donc je cherche à rassembler et c'est ma nature. Je vous file la philo, moi je suis juste un yolo. Tu souris, c'est chouette. Et oui, juste un gros rigolo. C'est ce que les sénateurs UMP ont décrété, puisqu'au final, Raffarin s'est pris une grosse dérouillée mercredi dernier face à Gérard Larcher lors des primaires de l'UMP. Mais alors que s'est-il passé pour que le Pompidou Poitevin, ultra favori, se prenne les pieds dans le tapis? Eh bien, tout a commencé dimanche soir. Juste avant que le président ne parte pour New York, les deux candidats déclarés ont souhaité consulter Nicolas Sarkozy comme arbitre. Et c'est ainsi que, vers minuit, Claude Guéant est allé prévenir Sarkozy. Deux sénateurs demandent audience. Ils sont indifférents au sujet de leur terre et s'en remettent à ton jugement. Qu'ils viennent à moi! Qu'ils viennent à moi! En vérité, tout m'intéresse. Tout, jusqu'à la longueur des toges. Oui, bon, il est vrai que Nicolas Sarkozy n'apprécie guère les vieilleries, et du coup, il croit que les sénateurs portent encore des toges romaines au palais du Luxembourg. Enfin, passons. Bien entendu, comme il s'occupe de tout, Sarkozy voulait lui-même décider qui deviendrait président du Sénat. Candidat préféré du président, Raffarin fut donc reçu en premier par Sarkozy, qui a rapidement exposé à Jean-Pierre sa vision de la situation. Je demeure, comme par le passé, encombré d'ennemis, au sein même de ma famille, et aussi au Sénat. Très serein, Jean-Pierre lui a confié qu'il pouvait compter sur lui pour une loyauté sans faille. Dans la foulée, Sarkozy lui a murmuré qu'en échange de son soutien, il lui demanderait sans doute 2 ou 3 services de navette parlementaire dans les mois qui viennent. Tout semblait donc réglé. Mais c'est à ce moment-là que tout a basculé. En effet, alors qu'il s'apprêtait à quitter le président, Raffarin s'est lancé dans quelques civilités d'usage. Mais comme à son habitude, il a commis une grosse boulette. Dis-moi, comment va Cécilia ? Oh, elle va bien, je te remercie. Bon, je me suis souvenu que j'avais oublié son dernier anniversaire. Son anniversaire. Non, je m'en veux de ma négligence, mais peut-être acceptera-t-elle de pardonner ma grossièreté si je lui envoie un cadeau. Oh, c'est très généreux de ta part. Et très approprié aussi. Très approprié. Aïe. Raffarin venait de se vautrer dans ses fiches et sans s'en apercevoir, à minuit 42, il venait de se faire crucifier. Adieu la présidence du Sénat. Immédiatement, Sarkozy demanda à Claude Guéant de faire entrer Gérard Larcher. Au départ, il était prévu que Nicolas lui annonce qu'il fallait qu'il se retire de la course au profit de Jean-Pierre Raffarin. Mais au final, Sarkozy adapta son discours à la nouvelle situation. À la prochaine réunion du Sénat, je soumettrai deux lois que je voudrais bien faire voter immédiatement. Je suis certain que tu seras ravi de m'aider. Ah oui, oui, oui, je serai... Premièrement, le Sénat ratifiera l'élection de César en tant que ton co-consul pour l'année qui commence. Mais il est déjà dictateur, quoi qu'il arrive. Ça sonne bien mieux qu'il soit consul. C'est plus amical. Tu comprends? Mais oui, mais je... Deuxièmement, tu proposeras la loi suivante. Il faut proposer plus de travail pour nos citoyens. Ils se consoleront en pensant avoir fait quelque chose d'éminemment patriotique. En creux, Gérard Larcher venait de comprendre qu'il devenait le candidat officiel de César pour la présidence du Sénat. Le lendemain, lundi dernier, Gérard Larcher constata très vite que les ordres élyséens avaient été bien reçus puisque bon nombre de ses collègues sénateurs lui adressaient quelques clins d'œil appuyés et complices. Et vers 20h, en direct de New York, Sarkozy décida de passer un coup de fil à Gérard Larcher pour s'assurer que tout se passait au mieux. L'invasion se déroule comme prévu, monseigneur. Je fais en sorte que le Sénat s'enlise dans les procédures. Ils n'auront pas le choix. Il faudra qu'ils acceptent votre prise de contrôle. Oui, monseigneur. Ainsi, après 48 heures de manœuvres obscures, le grand oral des candidats devant le groupe UMP du Sénat allait enfin avoir lieu. Nous étions donc mercredi après-midi et Gérard Larcher attendait dans son bureau Henri de Rincourt, le président du groupe UMP, que personne ne connaît, afin de passer son grand oral. Et, assis au fond de la pièce, dans la pénombre, Gérard Larcher semblait, comment dire, métamorphosé par sa nouvelle onction sarkozienne. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis un vampire. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. J'ai l'impression que vous dites ça au sens littéral. Absolument. Vous dites que vous m'attendiez, mais qu'est-ce que vous comptiez faire ? Me tuer, boire mon sang, ce genre de truc ? Oui. Nous ne pouvons commencer ainsi. Je vais allumer la lumière. Je croyais que les vampires détestaient la lumière. Nous l'adorons. Je voulais seulement vous mettre en condition. Merde alors ! N'ayez pas peur. Bien que je sois fait de chair, je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis plus de 200 ans. Évidemment, bon nombre de sénateurs réfractaires à la candidature de Gérard Larcher se sont aussitôt regroupés derrière lui, ce qui explique bien entendu la tôle que s'est prise Raffarin mercredi après-midi. D'ailleurs, Jean-Pierre était un peu sonné vers 19h. Je félicite le vainqueur, ça a été une très belle finale, et l'UMP a exprimé à la fois sa diversité et maintenant elle exprime son unité. C'est tout ce que j'ai à dire, merci. N'importe quoi, quoi, tu dis n'importe quoi, c'est plus fort que toi, tu dis n'importe quoi. Oui, Raffarin nous a raconté n'importe quoi pour justifier sa cuisante débâcle devant Gérard Larcher. Et maintenant, sans la présidence du Sénat, eh ben en gros, sa carrière est finie. Salut l'artiste. Mais d'ailleurs, avons-nous quelques nouvelles de Jean-Pierre depuis mercredi ? Eh bien, il paraît qu'il noie son désespoir à la buvette du Sénat où sans cesse il maudit son rival. Gérard ! Fais attention, Gérard ! Fais attention ! Tu es sur une pente savonneuse ! Savonneuse ! Fais attention, Gérard ! Fais attention ! Oui, désormais, Gérard Larcher est sur la pente savonneuse de l'onction présidentielle. Car devenir le boss du Sénat, mais désigné par César, n'est jamais sans risque de roche tarpéienne. Mais bon, dans l'attente de son triomphe au Capitole, la nouvelle maxime de Gérard Larcher file parfaitement la métaphore romaine « Aime-toi comme la Légion aime son légionnaire ». Aime-toi comme la Légion aime le légionnaire. Aime-moi comme le château de sable aime la mer. Aime-toi comme le taureau aime la corrida. Aime-moi comme le soleil aime le ciel. Si tu m'aimes, je t'aime aussi. Oh, aime-moi. la mer. Si tu m'aimes, je t'aime aussi. Oh, aime-moi aujourd'hui. Yeah, yeah, yeah. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu m'aimes, c'est le conditionnel d'Arthur H. Mais être in si tu m'aimes, c'est aussi la règle du Manja Palace. Alors, après les belliqueuses actualités politiques intérieures, ouvrons dès à présent à 11h27 notre séquence consacrée aux informations du dehors. Et avant tout, connais-tu les redoutables frères Kaczynski, jumeaux nationalistes polonais dont l'un fut Premier ministre et l'autre actuel président de la Pologne. Au début des années 80, ces deux lascars furent des membres influents du mouvement ouvrier Solidarnosc. Et lorsqu'en décembre 1981, le général Jaruzelski s'est pointé, les Kaczynski eurent bien sûr de gros soucis. Depuis, l'un et l'autre ont sombré dans un ultra-nationalisme teinté d'antisémitisme. Et surtout, ils ont décidé ces derniers temps de se venger en faisant comparaître le dictateur Jaruzelski devant le tribunal régional de Varsovie. Forcément, ce règlement de compte historique et judiciaire qui devrait se poursuivre dès jeudi prochain n'a pas laissé indifférents les fantômes de l'INA qui se sont passionnés cette semaine pour la Pologne. Alors écoutons ce que nous rapporte notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, un vent de guerre froide a envahi l'INA. Les voix s'interrogeaient sur le procès du général polonais Jaruzelski, inculpé de crimes communistes. Les voix du passé étaient tout affolées par ce grand retour en arrière. État d'urgence, loi martiale, les syndicats interdits, les liaisons internationales coupées, des blindés en patrouille dans les rues de Varsovie et de Gdansk, le couvre-feu de 22h à 6h du matin, tous les dirigeants de solidarité arrêtés à l'exception de Lech Walesa. Alertez tous les commandements. Calculez toutes les destinations possibles d'après leur dernière trajectoire connue. Vive la guerre ! Vive la Pologne ! Vive le Père Ubu ! Alertez tous les commandements. Et c'est marrant, hein, les chefs sont très populaires. Jaruzelski, il a visité toute la Pologne. Hein. Les paysans l'ont accueilli chaleureusement en agitant leurs chaînes. Je crois rebondir de sa cage. J'ai dit aujourd'hui, je vais me les faire à l'endroit comme à l'envers. Vous l'aviez deviné, j'espère. Le coup de force du général Jaruzelski a duré moins de 8 heures. Il a commencé hier soir à 23 heures et s'est terminé ce matin un peu après 6 heures. De par ma chandelle verte, me voici roi de ce pays. À 5 heures, l'armée montre ses dents à Varsovie. Des soldats à bord de jeeps et de camions militaires patrouillent dans Varsovie avec les policiers de la milice. En entendant cette description minutieuse du théâtre des opérations, Gérard Philippe s'est rappelé qu'il connaissait bien la ville, pour y avoir joué, il y a 54 ans. À Varsovie, où nous avons été par la suite, nous avons pu constater l'amour du théâtre par le fait que dans cette ville entièrement détruite et reconstruite depuis 10 ans pour le tiers à peu près de ses immeubles, que le théâtre était aimé, puisqu'il y a 14 théâtres reconstruits et 15 cinémas. Et là-dessus, Léon Zitrone rebondit. Est-il facile de doubler un film français en polonais ? C'est pas très facile, mais ça donne de bons résultats et nous espérons arriver à des résultats encore meilleurs. Eh bien, je vous remercie infiniment, monsieur. Ici Paris, Radiodiffusion française. À midi, dans l'un des studios de la télévision française, une délégation du Congrès des mineurs polonais de France, venue du Nord et du Pas-de-Calais, a remis une lampe de mineur à notre directeur général, monsieur Vladimir Porcher, en signe de reconnaissance pour l'aide et que les mineurs ont toujours trouvé aussi bien à la radiodiffusion qu'à la télévision française. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la radiodiffusion française de bien vouloir nous ouvrir si généreusement le cœur de son auditoire. C'est un tout autre accueil qui a été réservé en France, en 1985, à M. Jaruzelski. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le bref séjour en France du général Jaruzelski a été ponctué de nombreuses fausses notes. Mais la manifestation la plus forte et la plus inattendue a eu lieu en direct, sur TF1, devant plusieurs millions de téléspectateurs. Alertez tous les commandements. Le présentateur vedette du journal, Yves Mourouzi, a littéralement singé Jaruzelski. Il a prononcé son célèbre « bonjour », vêtu d'un imperméable mastic et arborant des lunettes noires, comme celles qui ne quittent jamais le numéro 1 polonais. Il paraît que Jaruzelski enlèvera ses lunettes noires quand elle aura fini de souder l'URSS avec la Pologne. Et pendant ce temps, les frères Kaczynski révisent leur nationalisme. Ah, messieurs, si beau qu'il soit, il vaut pas la Pologne. Et s'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Polonais. Merci, Flora Bernard, pour ce curieux voyage en Pologne. Au final, que dire? Eh bien, étrange affaire que ce procès Jaruzelski à Varsovie. Mikhail Gorbatchev est Lech Walesa himself, le juge grotesque et opportuniste. Ubuesque, n'est-ce pas? Mais bon, passons dès à présent aux actualités de nos deux siphonnés du bocal, qui auraient d'ailleurs sans doute besoin d'un plombier polonais. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, à 11h32, il est temps de rejoindre nos deux héros endimanchés, le valeureux Jean-Claude et la vaillante Monique, qui, comme tout à chacun, luttent au quotidien pour survivre dans la jungle capitalistique et toc. Ainsi, mercredi dernier, Monique et Jean-Claude se sont rendus au pâturage. C'est ainsi que s'appelle l'hypermarché de Grosboule-les-Bains. Et ils aiment bien ça, Monique et Jean-Claude, faire leurs courses dans cette grande surface, puisque les prix y sont beaucoup moins chers, et ce, dès le parking. Mais on prend pas un caddie ? Oh non, j'en ai déjà plein des caddies chez moi, tu sais. Oh remarque, 1 €, c'est pas cher. Vas-y. C'est donc équipé de leur caddie que Monique et Jean-Claude entrent dans la grande surface de Grosboule-les-Bains, toujours impressionnés par cet alignement de dizaines de caisses, et surtout par la profusion de trucs et de bidules à acheter. Entrée, la fête est permanente. Et les affaires affriolantes. Ici c'est comme au cinéma, où tout séduit, où tout enchante. C'est comme ça à Consolata. En effet, dans la cathédrale de la consommation, les troncs du patron ne sont jamais vides, puisque les fidèles clients, comme Jean-Claude, cède toujours à la tentation et à l'appel de la dépense. Les promotions me poussent à tout acheter. Car le crédit me pousse à tout dépenser. Yaourt m'appelle, j'en prends à l'appel. Je les mangerai jamais, mais j'en rachèterai. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Miraculeux, miraculeux. Tout acheté, et oui, c'est merveilleux et miraculeux puisque l'on peut acheter tout ce que l'on veut. Dans ces grandes surfaces, toutes équipées maintenant d'une carte de fidélité devenue carte de crédit. Et puis, Monique et Jean-Claude, ils ont surtout compris que... Dans notre société, consommer, c'est facile, on peut tout acheter. Un frigo ou une île, si t'as pas la monnaie, tu empruntes à la banque. On va pas se priver si quelque chose nous manque. La télévision et son magnétoscope. À crédit. À crédit. Le réfrigérateur, la lave-linge, le caméscope. À crédit, à crédit. Le four à micro-ondes. Le séchoir électronique. Le cuitoir à vapeur. Et le shaker électrique. À crédit, à crédit, à crédit, crédit. C'est joli, c'est joli la vie à crédit. C'est charmant la vie à tempérament. C'est joli la vie à crédit. C'est charmant la vie à tempérament. C'est joli la vie à crédit. Et Monique et Jean-Claude remplissent gentiment leur caddie quand, soudain, une annonce leur fait prendre conscience du changement de la conjoncture économique. Allons vite sauter sur l'aubaine, demain c'est sûr viendront la peine. Le cas où la Bérésina, alors stockez nos spécimens. Monique et Jean-Claude, toujours dans le supermarché, se rendent compte du danger, de la récession qui menace. D'ailleurs, Jean-Claude, prévoyant et économe, décide de vérifier si les stocks sont prêts à supporter la grande dépression qui s'annonce. Alors, c'est bon. L'eau. Ouais. Le beurre. Y a pas. Bah, les petits pois. Non plus. Oh non, t'as besoin d'acheter 5 tablettes de chocolat. J'ai quand même le droit de manger ce que je veux, non? Non, non, je m'excuse, il y a une liste, ok? On la respecte, quoi. Attends, ça c'est ta liste. Oui. C'est pas la mienne, je m'en fous. Ah bah, t'es encore heureux, t'achètes que des conneries, toi. Regarde ça. Menu minceur, impeccable. Ça c'est quoi? Fromage blanc, 0% de matière grasse. Que des trucs de grosse, quoi. Oh, oh. Bah ouais, tiens. Excusez-moi, ça c'est mon caddie. Et merci pour la grosse. Pardon, madame. S'excuse Jean-Claude, mais la cliente n'en reste pas là. Et explique un peu comment elle choisit les produits pour remplir son caddie. Là, vous avez, c'est écrit, c'est en gros, c'est zéro de gras et zéro de sucre ajouté. Donc là, il y a aucun problème, c'est écrit. Je vais prendre une à côté. Donc là, ce qui est vraiment tape à l'œil, c'est le 3,5% de matière grasse. Mais si on regarde l'étiquette, glucides, vous en avez à 15%. 15%? Oui. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans ces glucides, je vous ai dit tout à l'heure, ça englobe tout un tas de choses. Et vous avez le sucre naturel du lait, ce qu'on appelle le lactose, dans ces 15%. Donc, il faut regarder. Jean-Claude est subjugué par ce que lui apprennent les étiquettes. Mais ce qui le scie sur place, c'est cette information incroyable que lui apporte la cliente. Les multinationales, pour camoufler la hausse des prix, utilisent des procédés de petites fourbasses, comme par exemple diminuer le poids des gâteaux secs ou encore utiliser des matières premières beaucoup moins chères, et le tout sans en informer le consommateur. Jean-Claude, quand il apprend cette nouvelle, traverse aussitôt le magasin afin de prévenir un à un tous les autres clients. Ainsi, Jean-Claude, qui représente 60 millions de consommateurs à lui tout seul, traverse tous les rayons de la grande surface de Grosboul-les-Bains en chantant son refrain pour dénoncer le tripatouillage des multinationales. Bon, Monique a un peu la honte de voir son Jean-Claude se donner en spectacle devant les autres clients et elle lui demande de cesser de chanter la révolte des consommateurs. Mais Jean-Claude est très décidé. Je chante pour ceux qui passent. Et qui passe dans les grandes surfaces, un jour refont surface dans les supermarchés, s'arrêtent de supermarchés. Mais non, dit Monique, tous ces consommateurs-là, ce sont des veaux, parce qu'on les oblige à être des veaux, matraqués par la publicité et qui n'ont pas le choix du choix. Alors Jean-Claude a une idée fulgurante pour casser le système de la grande distribution. Il faut que les caissières se soulèvent. Les demoiselles de magasin qui menaient leur petit train-train s'apprêtent à faire un de ces foins. Les demoiselles de magasin, elles font grève avec entrain en croisant sagement leurs mains sur leurs belles cuisses satin. Les demoiselles de magasin. Et puis un beau jour, ces petites amours, voilà qui vont défiler, un drapeau rouge déplié, et vole leur baiser sur les ouvriers d'à côté. Les demoiselles du magasin regardent Jean-Claude d'un air badin, tandis que les vigiles le saisissent d'un geste viril. Jean-Claude est immédiatement viré de la grande surface Manu Militari. Mais tout de même, les caissières du magasin restent très intriguées puisqu'elles sont conscientes d'exercer une profession où les patrons se régalent dans l'exploitation à coups de salaires ridicules, de conditions de travail pénibles ajoutées à la difficulté d'obtenir un temps plein. Alors pour conclure cette aventure, un peu alarmé par l'écho que pourraient avoir les propos du Jean-Claude, le directeur de la grande surface a cherché, dans l'urgence, à détourner l'attention. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prospecte, il prospecte, il prospecte au supermarché. Il introspecte les yeux fermés. Il séduit tous les yeux ouverts, Oui, mais il est, oui, mais il est, oui, mais il est un peu prospère. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous, c'est un truand. C'est le dragueur des supermarchés, celui qui porte les paniers et qui s'occupe, et qui s'occupe, et qui s'occupe de vos bébés. Le Don Juan des ménagères, avec son cœur de camembert, qui marche tout seul, qui marche tout seul, qui marche tout seul quand on s'en sert. Il est sympa et attirant. Méfiez-vous, c'est un truand. Le chéri des libres-services qui libère les prises et les cœurs d'un petit tour, d'un petit tour, d'un petit tour de tournevis. L'amoureux des grandes surfaces, celui qui au rayon d'en face vend des attrapes, vend des attrapes, vend des attrapes et fait des farces. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous, c'est un truand. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Pour mieux attraper, pour mieux attraper, pour mieux attraper les mamans. Il fait rigoler les enfants, il est plus drôle que bien des pères. Oui mais il est, oui mais il est, oui mais il est un peu prospère. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Le dragueur des supermarchés, c'était Jacques Dutronc en 1973, première année de la récession. Mais cette semaine, nous aussi, nous avons eu notre dragueur devant la crise des supermarchés financiers. Dans la situation où se trouve l'économie, je n'accepterai pas des hausses d'impôts et des taxes qui réduiraient le pouvoir d'achat des Français, car notre objectif, c'est de leur rendre du pouvoir d'achat et non de leur en prendre. Oui, sauf qu'il y a le bouclier fiscal. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h43, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panique, consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Et cette semaine, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, s'est intéressé à la vertu, que le littré définit comme une force morale qui porte à faire le bien et à éviter le mal. T'as qu'à croire. Car aujourd'hui, la vertu est devenue un téléphone portable au prix d'un diamant. Juste après la virgule, découvrons justement ce que le cynisme vicieux de l'argent peut faire de la vertu. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Auditeur, tu es verni. Ce dimanche, nous t'emmenons dans le Saint des Saints, le Graal du luxe. Nous allons dépenser une somme d'argent absolument indécente. Juste un détail, indécente à quel point la somme que vous voulez dépenser est simplement gênante ou véritablement scandaleuse? Véritablement scandaleuse. Et cette somme scandaleuse, nous t'invitons à la dépenser à Paris, près de la place Vendôme. Et là, tout de suite, tu te dis qu'on va parler... Tiffany. Et oui, bijoux. Eh bien, auditeur, tu te fourvoies. Pourquoi un téléphone est vendu dans une bijouterie? Parce que comme il est fait à la main, premièrement, il est fabriqué avec saphir, du céramique, or et platine et des diamants aussi. Bref, si tu penses qu'en matière de téléphonie mobile, le nouvel iPhone est la panacée, tu as tout faux. Là, c'est un pot de yaourt. Là, c'est une ficelle. Et avec ceci, nous avons créé l'iPhone. Alors ça veut dire que pour ceux qui croyaient que l'iPhone était le luxe absolu en termes de téléphone, ils se trompent. Oui, parce que vertu, c'est pour tout le monde. Hein. Je vais vous dire, ça touche ceux qui ont les moyens d'abord. Ring, ring, telephone ring, somebody says, baby, what you do? La jeunesse surargentée préférerait donc investir dans un bijou portable plutôt que dans une montre présidentielle. Vertu plus fort que Rolex et Patek Philippe en quelque sorte? D'autant que ce portable hors du commun peut éviter ce genre de galère. Babylone 21-29, je voudrais parler à Brigitte. Ah, il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur. Dites-moi ce que je pourrais causer à Brigitte. Mais il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur. Ils sont livrés avec une concierge? Non. Non, c'est-à-dire vous êtes abonné un an, gratuit, service conciergerie. Alors bonjour, mais qui c'est? Si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1. Ah ben non, je ne suis pas satisfaite. Si vous voulez recommencer, faites le 2. Le 2? Vous avez fait le 2. Hmm? Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2, faites le 1. Le 1? Vous avez fait le 1. Oui. Ça donne accès à n'importe quel service 24 sur 24 heures. Le service conciergerie? Le service conciergerie 24 heures sur 24 heures. Si vous voulez ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Des billets de théâtre, billets de cinéma, billets d'avion, même une jolie fille. Elle peut vous attendre à l'aéroport aussi. Ah, c'est un bon argument. D'un coup, j'ai envie d'en avoir un. Non, la vraie classe, ce serait que Jack Bauer utilise Vertu. Mais pas sûr qu'il ait assez de batterie pour tenir 24 heures. Ici Bauer. Je vous passe, le président. Content de vous entendre, Jack. Ça me fait plaisir aussi, monsieur le président. J'aimerais que ce soit vous qui arrêtiez Lee et que vous le rameniez à la cellule pour l'interroger. J'ai compris, monsieur le président. Merci, Jack. Tu l'as compris, Vertu, c'est le luxe. Sauf que monsieur Jankelevitch, lui, s'est intéressé à Vertu bien avant nous et bien après Saint-Paul. Et là, on est à 1000 lieues de la 3G. Il y a le mot Vertu dans le titre, ce qui lui donne un aspect un peu démodé, évidemment. Mais au fond, l'amour, par lequel je termine, déprécie les vertus, parce que l'amour, au fond, n'est pas une vertu, ou bien c'est une vertu qui rend inutile toutes les autres. Celui qui a l'amour a tout. Au fond, Saint-Paul a dit ça, autrement que moi, et bien mieux, mais c'était vrai. Quand je lui dis, je t'aime, les mots se meurent dans l'écoute. Mais qu'aurait pensé ce vénérable philosophe de Jankelevitch de ces téléphones vertueux qui se refourguent aujourd'hui entre 4000 et 100 000 euros pièce, selon tes envies? Si, si, 100 000 euros pour un portable avec l'option concierge. Abracadabrantesque, n'est-ce pas? Heureusement, le Mangin Palace peut te mettre en relation avec son concierge pour des plaisirs téléphoniques beaucoup plus abordables. Mademoiselle, hep, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous voyez pas que je suis en train de fermer Toto, non? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. Je sais bien, j'ai écrit téléphone au-dessus de mon guichet. Moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais le 22 à Agnès. Allô? Dites donc, bonjour Georgette. Je t'ai reconnu à la voix. Comment vas-tu? Ici c'est Madeleine. Ça va? Non, mon Dieu, ça va. Hein? Où c'est que t'as été danser samedi? À la salle Wagram? Oh, moi, j'y vais plus. Oh non, c'est ton snob. Et mon ami hier. Just make it easy, you're my enemy. Les artistes, c'est l'énergique Santo Gold qui nous arrive tout droit de la côte est ricaine. Santo Gold, la statuette en or. Ben oui, le Santon d'or. Comme l'Oscar hollywoodien qu'a reçu l'irremplaçable Paul Newman en 1986 pour la couleur de l'argent. Wearing Hudsucker's abstract art on Madison Avenue. What we need now is a new president who will inspire panic in the stockholders. Alors maintenant, à 11h52, afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon de l'actualité, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel à l'actualité de la semaine, Monsieur Mauduit, ici présent, se charge pour nous de lire la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, est-ce qu'il y a une thématique cette semaine, monsieur? Ah mais oui, il y a une thématique très nette cette semaine qui apparaît. Étonnamment, c'est « Arriver à bon port ». Enfin, plus exactement, Philippe, c'est « La difficulté d'arriver à bon port ». Alors, je vous explique un peu. En lisant la presse, on apprenait, par exemple, l'étrange aventure de Rosana Torres Aguero. Alors, qui est cette dame? Eh bien, c'est une adorable touriste argentine et elle est partie en vacances à Sydney. Bon, tout va bien, sauf que Rosana, elle est un peu godiche et en achetant sur Internet ses billets pour Sydney, elle s'est retrouvée à Sydney. Mais Sydney, dans l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à l'est du Canada. Et c'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup moins de kangourous, mais plus de caribous. Alors, bon, ce qui est plutôt cool, et c'est le journal local The Cape Breton Post qui nous raconte ça, c'est que Rosanès, très philosophe, elle a décidé de rester sur place dans son petit port de pêche industriel. Alors donc, elle n'est pas arrivée à bon port, elle y est arrivée dans un port. Ce qui n'est pas le cas de ce chauffeur de bus dont nous parle la Jornada, qui est un canard mexicain, enfin, un pato americano. Parce que mardi dernier, ce chauffeur assurait la liaison entre Mexico et Teotihuacan, et le pauvre, et c'était absolument imprévisible, il a percuté un éléphant femelle. Alors, c'est, bon, c'est pas de chance, parce qu'à la saison, ils sont quand même assez rares, les éléphants sur les plateaux mexicains. Oui. Et oui, et d'où le proverbe, si tu vas à Mexico ou à Solferino, méfie-toi des éléphants. Alors, d'ailleurs, les éléphants, on se demande s'il en a vu Brice Hortefeux, notre joyeux ministre de l'immigration, lors de sa tournée en Afrique. Parce que Brice, pour arriver à bon port, lui, il sait très très bien comment faire. Et le Canard Enchaîné, d'ailleurs, pointe cette semaine un article vraiment intéressant du JDD. Alors, Brice Hortefeux a été suivi pendant sa tournée en Afrique donc par des journalistes qui nous rapportent quelques grandes réflexions de notre ministre, fierté nationale, par exemple. En arrivant à l'aéroport au Bénin, avant de descendre d'avion, Brice s'épingle lui-même sa médaille de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Et surtout, Brice Hortefeux déclare aux journalistes « Ce sont des petits détails qui montrent qu'on ne les prend pas pour des ploucs. » Ah bah oui, merci. La classe. Ouais, la classe. Hein. Merci pour les ploucs. Mais vous voyez, Philippe, de Xavier Darcos à Brice Hortefeux, on sent qu'ils sont très fanas des médailles au gouvernement. Vraiment beaucoup. Alors, une autre déclaration étonnante de Brice Hortefeux à l'approche de l'aéroport de Malabo, en Guinée équatoriale. Oui, bien sûr. Ah ben, comme tout le monde. Donc, notre ministre s'aperçoit qu'il pleut. Et alors, il déclare, mince, mais je ne vais pas pouvoir mettre ma veste coloniale. Donc là encore, beaucoup de tags, beaucoup d'humour, pas du tout de honte, aucun problème. Vous voyez, ils sont quand même un peu moqueurs dans le JDD de relever tout ça. Un peu moqueurs, mais beaucoup, beaucoup moins contestataires qu'une revue que j'ai identifié dans la presse. Je pense bien entendu à Cuisiner comme un chef. C'est un mensuel qui a en couverture Joël Robuchon et une terrine de lapin aux noisettes. À pas confondre, attention, c'est pas pareil. Oui. Alors, vous voyez, Philippe, je pense ici qu'on est un peu dans la même veine que le Charivari avec Philippon quand il caricaturait Louis-Philippe comme une poire. Et c'est à la page 102 qu'on trouve un article complètement pernicieux, une attaque sournoise au système capitaliste. Moi, je vous explique, je suis pas dupe, j'ai bien lu l'article. Oui. C'est une recette de petits choux farcis au foie gras. Et bien entendu, d'après moi, il y a une métaphore de la politique du gouvernement. Bon, je vous explique. Hein. Le chou, c'est le légume ultra populaire. Évidemment, c'est le peuple. Le foie gras, c'est l'élite financière dominante. Mm-hmm. Bon, alors bien sûr, quand le foie gras farci profondément le chou, je vous passe l'analyse, vous comprenez très très bien l'image. D'ailleurs, dans la revue, il est dit que le chou doit suer pour que le foie gras soit bien installé. Bon, là aussi, c'est très clair, hein, le chou sue. Oui. Alors, une fois, nous dit la recette, que le chou est bien blanchi, voilà encore, je passe, je laisse faire l'analyse, on enveloppe le foie gras avec une feuille de chou avant de le mettre au four. Bon, donc, quand ça chauffe, en gros, quand c'est la crise financière, eh bien, qui protège le foie gras? C'est évidemment le chou, comme les contribuables ricains vont devoir couvrir les bévues des spéculateurs. Alors, pour conclure, la recette nous conseille un petit truc. Elle nous dit un petit blanc pour accompagner le tout serait parfait. Ainsi, donc, dans le chou farci, comme dans la crise économique, Philippe, on sait toujours qui va trinquer. Alors, pour finir, une bonne nouvelle, vite fait, c'est Libé qui nous apprend que l'Italie a rendu à la Grèce une pièce des frises du Parthénon. On est très content que cette frise arrive à bon port. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en apprenant qu'on parlait du Parthénon cette semaine, j'ai vu qu'on a complètement zappé une information cet été. Au Parthénon, le 24 juillet dernier, c'était les adieux de Nana Mouskouri. Oh. Et oui, on oublie trop souvent l'importance de Nana Mouskouri dans les choix politiques. Parce que quand Nicolas Sarkozy a fait son discours à Toulon, il a bien suivi les conseils. En gros, c'est pas moi, c'est la crise si ça va mal. Parce qu'avec de belles paroles, on arrive toujours à bon port. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Merci Mauduit pour cette revue de presse. Nous voilà presque arrivés à bon port. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà, fin du 130e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Pêle-mêle, je remercie Professeur Mauduit, Henri-Marc Mutel au H2M aux manettes, Julien Chabassu et Rémi Quincé, impeccable à la technique. Et aussi merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Yvan Beaugelet, Thierry Dupin pour ses scuds et aussi Olivier Lefaillard pour toutes ses idées complémentaires. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris et son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique et en direct dimanche, toujours à 11h sur Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.